Le bouquet sous la croix. D'où vient-il, ce bouquet oublié sur la pierre? Dans l'ombre, humide encore de rosée ou de pleurs, ce soir, est-il tombé des mains de la prière? Un enfant du village a-t-il perdu ses fleurs? Ce soir, fut-il laissé par quelque âme pensive, sous la croix où s'arrête un pauvre voyageur? Est-ce d'un fils errant la mémoire naïve qui d'une pâle rose y cacha la blancheur? De nos mères partout nous suit l'ombre légère. Partout l'amitié prie et rêve à l'amitié. Le pèlerin souffrant sur la route étrangère offre à Dieu ce symbole et croit en sa pitié. Solitaire bouquet, ta tristesse charmante semble avec tes parfums exhaler un regret. Peut-être es-tu promis au songe d'une amante. Souvent dans une fleur, l'amour a son secret. Et moi, j'ai rafraîchi les pieds de la Madone, de lilas blanc, si cher à mon destin rêveur. Et la Vierge sait bien pour qui je les lui donne. Elle entend la pensée au fond de notre cœur.